pour féliciter le maréchal Kim Jong-un de sa promotion au poste de président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, une exposition de photos et une séance de films ont eu lieu à la Société anonyme internationale Pranason Manyon, une exposition de livres à la compagnie Niger Steel et une séance de films à la ferme Bakura de la province de Zamfara du Nigeria. Dans les salons étaient exposées les photos sur les espoirs immortels du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un, ainsi que les livres et photos présentant la Corée du Juche. Aux séances de films, on a projeté les documentaires coréens comme « Avenue des scientifiques Mirai ».